La délégation de la République populaire démocratique de Corée, conduite par le ministre des Affaires étrangères Lee Yong-ho, a regagné la patrie le 29 septembre au terme de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU.